Tu es ma seule raison de vivre, l'amour de ma vie. La nuit, je rêve que tu me prends dans tes bras, que tu m'embrasses sans qu'on se lasse, c'est merveilleux. Profiter de chaque instant pour vivre avec toi l'infini. Can't get out of your back, you gotta sit it back. You and the party on the pond, you're the pretty pretty home. Star, see the baby, here, see the jungle mother. You and the pillow, yo. Getting breezy, not the party on the bronze. See the freaking, you know, detect me, the bronze. See the black, see the chicken and raw. Get a party on, get a party on, tap on. L'on va se relever ou pas quand même sourire ou fatigué ou toujours bien fatigué. Les ouais sans dériver vous même qu'achapper. L'on va se relever ou pas quand même sourire ou fatigué ou toujours bien fatigué. Chérie, m'en voulais gâter. Chérie, m'en voulais gâter.